Chapitre 4. Le jour du départ de George Bartram, lorsque la cloche eut sonné comme à l'ordinaire le dîner des domestiques, on remarqua que la nouvelle parlourmaid n'était pas venue prendre place à table. Un des serviteurs en sous-ordre fut dépêché à sa recherche et revint annoncer que Louisa, se sentant un peu faible, demandait à être dispensée de paraître. Cette requête fut portée devant l'autorité supérieure de la femme de charge et Mrs. Drake monta immédiatement pour se rendre compte exact de la situation. Elle vit bien, au premier coup d'œil, que l'indisposition de la parlourmaid, à quelque cause qu'il fallut l'attribuer, n'était certainement pas un vain prétexte de paresse ou de bouderie. La jeune fille refusa respectueusement tous les remèdes que la femme de charge lui offrait, se bornant à demander la permission d'essayer si elle ne se trouverait pas bien d'une promenade en plein air. « J'étais habituée, madame, disait-elle, à plus d'exercice que je n'en prends ici. Puis-je descendre au jardin pour voir si une promenade ne me soulagerait pas ?»« Oui, certainement. Irez-vous seule ou désirez-vous que je vous fasse accompagner ?»« J'irai seule, madame, si vous voulez bien le permettre. »« Très volontiers. Mettez alors votre chapeau, votre châle, et tenez-vous une fois dehors dans le jardin de l'Est. » L'amiral se promène quelquefois dans celui du Nord, et pourrait éprouver quelques surprises à vous y rencontrer. Quand vous aurez assez d'air et d'exercice, revenez chez moi, je verrai comment vous allez. » Au bout de quelques minutes, Magdalen se trouva dans le jardin de l'Est. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, mais les froides ombres du château se projetaient sur la grande allée et semblaient glacer l'atmosphère que les rayons du midi venaient d'attiédir. Elle se dirigea vers les ruines du vieux monastère, situé, nous l'avons dit, au sud de la longue rangée de bâtiments élevés à une époque plus récente. Là se trouvaient de grands espaces solitaires où l'on pouvait respirer librement. Là, par les brèches que la ruine avait ouvertes, arrivaient les pâles rayons du soleil de mars et les sourires du printemps semblaient vouloir y attirer la belle promeneuse. Elle monta 3 ou 4 degrés de pierres fendillées de tous côtés et s'assit en plein soleil sur quelques débris de murailles. L'endroit ainsi choisi par elle avait été jadis l'entrée de l'église. Dans des siècles écoulés depuis longtemps, les fautes et les souffrances humaines, s'acheminant vers le confessionnal, avaient défilé jour après jour sur cette même place où elle se tenait maintenant assise. De toutes les misérables femmes qui autrefois avaient foulé ces antiques pierres, aucune n'avait résumé en elle autant de misère morale que celle dont les pieds s'y appuyaient aujourd'hui. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'en fit 2 étais pour s'installer sur son siège de pierre. Elle les posa sur ses genoux, et là, elle tremblait encore. Elle les souleva, y jetant un regard surpris, et sous son regard, elle tremblait. « Je suis donc déjà vieille », se dit-elle dans un faible murmure, et de nouveau elle laissa retomber ses mains le long de son corps. Ce jour-là, pour la première fois, il lui avait bien fallu constater une triste découverte, à savoir que ses forces lui faisaient défaut tout juste au moment où elle s'y était le mieux fiée, juste au moment où elle en avait le plus besoin. Le départ inattendu de George Bartram lui avait causé une surprise ressentie par elle à l'égard du pire malheur qui pût l'atteindre. Ce simple démenti donné à ses espérances, démenti qui, naguère, sollicitant ses résistances obstinées, l'aurait simplement encouragé à de nouveaux efforts, l'avait frappé d'autant de terreur, l'avait réduite au même état de prostration désespérée que l'eût pu faire son expulsion de Sainte-Croix. D'une métamorphose si absolue, on ne pouvait tirer qu'une seule conclusion, c'est que Magdalen venait de concentrer, dans le court espace d'un peu plus d'un an, les fatigues et les émotions de toute une vie. La santé, la force que la nature lui avait si largement prodiguée, et dont l'abus était resté si longtemps impuni, finissait par lui manquer. Elle leva les yeux sur le vague azur du ciel. Elle écouta la chanson joyeuse des oiseaux cachés dans le lierre dont les ruines étaient revêtues. Oh, que ce ciel lointain lui semblait froid, que ce bonheur des oiseaux lui semblait impitoyable. Oh, qu'il était horrible d'être seule parmi ces pierres et de se sentir si vieille, si faible, si usée, à la fleur même de sa verte jeunesse. Par un dernier effort de courage, elle se leva et voulut, se mouvant, regardant autour d'elle, combattre la souffrance nerveuse qui lui montait au cœur. D'un pas de plus en plus rapide, elle se promenait au soleil. Par cela même qu'il la fatiguait horriblement, cet exercice lui venait en aide. Elle refoulait désespérément vers leur source les larmes dont ses yeux se gonflaient. Elle luttait contre la douloureuse étreinte et s'y dérobait par degrés. Peu à peu, il y eut moins de nuages sur sa pensée. Elle s'abdiqua moins elle-même, et les idées qui la décourageaient lui devinrent moins présentes. Il y avait en elle, pour ainsi dire, des réserves de jeunesse et de force qu'elle pouvait dépenser encore. Il y avait une ardeur atténuée par maintes blessures, mais qui n'était pas encore éteinte. Elle étendit graduellement le rayon de sa promenade, recouvrant aussi peu à peu la faculté d'observer ce qui était autour d'elle. À leur extrémité occidentale, les ruines du monastère étaient mieux conservées que du côté de l'Orient. En certains endroits où les vieux murs tenaient encore grâce à leur épaisseur, on avait dû faire, à quelque époque indéterminée, des réparations insignifiantes. Quatre des anciennes cellules avaient été alors recouvertes d'une grossière toiture en tuiles rouges. On y avait ajouté des portes en planches, et ces vieilles chambres de moines servaient de dépôt au nombre d'ébris du mobilier de Sainte-Croix. Il n'existait de cadenas à aucune des portes. Magdalène n'avait qu'à les pousser pour faire tomber la lumière du ciel sur les fouillis entassés derrière elle. Elle résolut d'examiner ces espèces d'appentis l'un après l'autre, non certes par curiosité, non pour y poursuivre une découverte quelconque. Elle n'avait d'autre objet que de combler le vide des heures et d'empêcher le retour des tristes pensées qui, naguère encore, étaient venues l'énerver. Le premier hangar qu'elle ouvrit renfermait des outils de jardinage, grands et petits. Sur le sol du second s'étalaient des fragments de meubles brisés, des cadres vermoulus, vides de leur toile, des vases ébréchés, des boîtes sans couvercle, des livres arrachés à leur reliure. Comme Magdalène allait quitter ce réduit après un coup d'œil négligemment jeté autour d'elle sur ce tas de poudreuses vieilleries, son pied poussa par terre un objet quelconque qu'elle a frappé avec un retentissement métallique, une porcelaine fêlée gisant près de là. Magdalène se baissa et vérifia que l'objet sonore était une clé rouillée. Elle ramassa cette clé pour l'examiner, puis, sortie du hangar, elle réfléchit quelques instants. Parmi les centaines d'objets amoncelés sans ordre sous ses appentis, se trouvaient sans aucun doute bien des clés devenues inutiles et oubliées là depuis un temps immémorial. Eh bien, ne pouvait-elle rassembler toutes celles qu'elle trouverait pour les essayer ensuite, l'une après l'autre, aux serrures de tous les cabinets, de tous les placards, de toutes les armoires, aujourd'hui protégées contre ces investigations? N'y avait-il pas, pour justifier une pareille épreuve, chance suffisante que l'une d'elles ouvrirait quelques meubles? Si les serrures de Sainte-Croix étaient aussi surannées que le mobilier, si l'on n'avait pas à se débattre contre les subtilités protectrices que les inventeurs modernes ont multipliées, pareille chance existait sans aucun doute. Comment savoir si cette clé même qu'elle tenait à la main n'était point le duplicata, jadis perdu, de l'une de celles qui figurait dans le paquet de l'amiral? Aucun autre moyen ne s'offrant d'arriver à son but, ce hasard valait bien qu'on le risquât. Dans les yeux ternis de Magdalène, on aurait pu voir passer comme un éclair de son ancienne ardeur lorsqu'elle se détourna pour entrer dans la vieille cellule. Elle n'avait guère plus d'une demi-heure à passer encore hors du château. Cette demi-heure lui suffit pour fouiller, l'un après l'autre, les trois hangars, et ajouter 5 clés à sa collection. 5 chances de plus, se disait-elle, les rapportant en cachette. Après qu'elle fut allée rendre compte de sa promenade par devant la femme de charge, elle monta pour ôter son chapeau et son châle, ce qui lui fournit l'occasion de mettre ses clés en sûreté jusqu'à la nuit. Elles étaient recouvertes d'une épaisse couche de rouille et fortement encrassées, mais elle n'osa tenter de les nettoyer avant que l'heure du coucher, la rendant à sa solitude, l'eût mise à l'abri des regards curieux dont les domestiques l'entouraient encore. Quand elle se retrouva au dîner, comme de coutume, en rapport direct avec l'amiral, elle fut aussitôt frappée d'un changement qui s'était fait en lui. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, le vieux gentleman était silencieux, abattu. Il montra moins d'appétit qu'à l'ordinaire, et d'un bout du repas à l'autre, ne lui adressa pas 4 paroles. Quelques réflexions malvenues s'étaient évidemment emparées de son esprit et s'y maintenaient, malgré ses efforts pour s'en distraire. Elle se demanda plusieurs fois, dans la soirée, avec une perplexité toujours croissante, sur quel sujet portaient ses réflexions. Ces longues heures arrivèrent enfin à leur terme, et les hôtes du château se retirèrent dans leurs lits respectifs. Avant de s'endormir ce soir-là, Magdalène avait parfaitement nettoyé les clés, dont elle prit soin d'huiler l'intérieur pour en faciliter le jeu et le rendre moins bruyant. Restait, dernière difficulté, à choisir le moment où l'épreuve pourrait être tentée en risquant le moins possible d'être interrompue ou découverte. Après avoir employé une partie de la nuit à débattre avec soin cette importante question, Magdalène dut se résoudre à attendre et à se laisser guider par les événements du lendemain. Le matin arriva, et pour la première fois depuis qu'elle était à Sainte-Croix, les événements justifièrent la confiance qu'elle avait mise en eux. Le matin arriva, disons-nous, et l'unique difficulté dont elle eut encore à se préoccuper fut levée à l'improviste par l'amiral en personne. À la grande surprise de tout le château, il déclara en déjeunant qu'il s'était décidé à partir pour Londres dans une heure, qu'il passerait la nuit en ville, et qu'on pouvait l'attendre à Sainte-Croix le lendemain pour l'heure du dîner. Il ne donna d'autre explication ni à la femme de charge, ni à personne, mais il était facile de voir que l'objet pour lequel il allait à Londres avait à ses yeux une importance peu ordinaire. Il avala précipitamment son déjeuner, et avant que sa voiture fût devant la porte, s'impatienta plusieurs fois de ce qu'elle n'arrivait point. L'expérience avait prémuni Magdalène contre les déterminations hasardeuses. Elle ne se pressa point, après le départ de l'amiral Bertram, de risquer l'épreuve des clés. Eh bien, lui en prit. Mrs. Drake profita de l'absence de l'amiral pour passer en revue les appartements du premier. Les résultats de son investigation, ne l'ayant que très médiocrement satisfaite, torchons et balais entrèrent en danse, et tant que le jour dura, les filles de service ne firent qu'entrer et sortir de tous côtés. La soirée s'écoula sans que l'occasion favorable que Magdalène guettait au passage se fût une seule fois offerte à elle. Survint l'heure du coucher. Elle se retrouva placée entre ces deux alternatives, ou d'attendre les chances douteuses de la matinée suivante, ou d'essayer hardiment les clés sous la protection des ténèbres. Jadis, elle eut fait son choix sans la moindre hésitation. Elle hésitait maintenant, mais ce qui lui restait de courage la soutint encore. Elle résolut de tenter l'aventure nocturne. À Sainte-Croix, on se couchait de bonne heure. Il lui suffisait donc d'attendre qu'onze heures et demie fussent sonnées, pour être à peu près sûr que tous seraient endormis. À cette heure-là, elle sortit furtivement sur l'escalier, un flambeau à la main et les clés dans sa poche. En passant devant l'entrée du corridor sur lequel donnaient les chambres à coucher, elle s'arrêta, prêtant l'oreille. On entendait, de l'autre côté du paravent, ni les ronflements habituels, ni la marche traînante du matelot invalide. Magdalène, écartant une des feuilles, risqua un regard méfiant. Le passage d'allée n'était plus qu'un désert, et le petit lit à roulettes n'était point occupé. Elle avait pourtant vu, plus d'une heure auparavant, remonter le vieux Maizet, armé d'un bougeoir. Aurait-il, par hasard, profité de l'absence de son maître pour se procurer la jouissance inusitée de coucher dans une chambre close? Au moment où cette pensée s'offrait à elle, un léger bruit, parti de l'extrémité du corridor, arriva jusqu'à son oreille. Elle avança doucement de ce côté, et à travers la porte la plus éloignée des chambres d'amis, discerna fort bien, dans cette chambre, les ronflements vigoureux du vieux matelot. Sous plus d'un rapport, cette découverte avait de quoi l'émouvoir. Elle ajoutait une ombre de plus à l'impénétrable mystère du lit à roulettes, en prouvant clairement que le vieux Maizet ne mettait à passer la nuit dans le corridor aucune préférence sauvage. C'était purement et simplement pour le compte de son maître qu'il avait élu domicile dans ce dortoir si singulier et si peu commode. Le moment n'était pas favorable pour insister sur les réflexions qu'un pareil fait pouvait suggérer. Magdalène revint sur ses pas le long du corridor et descendit au premier étage. Négligeant les portes les plus voisines, elle entra tout d'abord dans la bibliothèque. Sur l'escalier et dans les couloirs, elle avait senti battre son cœur agité d'une indicible crainte. Mais un sentiment de sécurité profonde lui fut rendu lorsqu'elle se trouva dans les quatre murs de cette pièce, et quand une porte bien fermée la sépara de cette obscurité muette et peuplée de fantômes qu'elle avait traversée pour y venir. La première serrure qu'elle essaya fut celle de la table à tiroirs. aucune des clés ne l'ouvrait. L'épreuve suivante fut tentée sur le cabinet. Celle-ci échouerait-elle comme l'autre? Non, une des clés allait. Une des clés, moyennant un peu de patience et d'adresse, fit jouer le verrou. Magdalène jeta dans le cabinet un regard avide. En haut se trouvaient des tablettes ouvertes. Au-dessous d'elles, un tiroir occupant toute la largeur du meuble. Sur les tablettes, des échantillons de minéraux curieux, proprement étiquetés et en bon ordre. Le tiroir était divisé en compartiments. Deux de ces compartiments renfermaient des papiers. Dans le premier, elle ne trouva qu'une collection de factures acquittées. Dans le second, au contraire, elle découvrit un monceau de documents relatifs aux affaires de l'amiral. Mais l'écriture, jaunie par le temps, suffisait pour l'avertir que la contre-lettre n'était point là. Elle poussa les portes du cabinet et, après les avoir refermées avec difficulté, voulut voir ensuite, avant de continuer ses recherches dans les autres chambres, si les clés ouvriraient les armoires placées sous les corps des bibliothèques. Les armoires en question se trouvèrent inattaquables. Inattaquables également les tiroirs, crédences, commodes et placards des autres pièces. L'une après l'autre, procédant par ordre, elle essaya patiemment tous ses meubles. Ce fut en vain. La chance favorable que lui avait offerte le cabinet de la bibliothèque fut la seule qui eût fait luire à ses yeux un rayon d'espoir. Elle retourna dans sa chambre, sans voir autre chose que son ombre glissant à côté d'elle, sans rien entendre, sauf le léger bruit de son pas furtif, à peine perceptible dans le silence profond qui, à minuit, emplissait le château. Quand elle eut machinalement replacé les clés dans la brique qu'elle leur avait déjà fait, elle jeta un regard du côté de son lit, mais ce fut pour s'en détourner avec un frisson. Le souvenir menaçant de ce qu'elle avait souffert la veille dans le jardin se représenta vivement à son esprit. « Encore une chance courue, » pensait-elle, « encore une chance perdue. Si je m'avise d'y penser, je succomberai à la peine. » Et j'y penserai bien certainement si je restais éveillée dans l'obscurité. Elle avait apporté avec elle à St. Crux, comme accessoire indispensable du rôle qu'elle allait y jouer, une boîte à ouvrage qu'elle se hâta d'ouvrir pour se mettre résolument au travail. L'inexpérience qu'elle apportait dans le maniement de son aiguille favorisa l'objet qu'elle avait en vue, en l'obligeant à porter l'attention la plus stricte sur la besogne qu'elle venait d'entreprendre. Elle lui dut une distraction forcée qui l'empêchait de songer aux deux sujets les mieux faits pour l'épouvanter maintenant, elle-même d'abord, l'avenir ensuite. Fidèle aux arrangements pris, l'amiral revint le lendemain. Son voyage à Londres ne l'avait pas autrement rassérénée. Un nuage provenant de quelque inquiétude impossible à maîtriser obscurcissait encore sa physionomie, et sa langue, d'ordinaire si mobile, gardait un calme étrange pendant ces repas solitaires que lui servait Magdalène. Ce soir-là, les ronflements retentirent de nouveau derrière le paravent. Le vieux Maizet avait repris possession de son incommode couchette. 3 jours encore s'écoulèrent. Avril commença. Le 2 du mois, revenu aussi à l'improviste qu'il était parti 8 jours avant, Mr. George Bartram reparut à St. Crux. Il arriva dans l'après-midi de bonne heure, et il eut avec son oncle dans la bibliothèque un entretien de quelque durée. À la fin de cette entrevue, il partit encore une fois et fut conduit au chemin de fer de manière à prendre le dernier train qui, ce soir-là, monta vers Londres. Le groom chargé de le mener remarqua, chemin faisant, que Master George semblait quitter St. Crux sans beaucoup de peine. Il remarqua aussi, à son retour, que l'amiral jurait après lui, pour avoir surmené les chevaux, indice de mauvaise humeur qui, de la part de son maître tel qu'il le connaissait, lui semblait absolument inouï. Magdalène, dans le service qui lui était dévolu, avait eu également à souffrir les boutades de l'irritable vieillard. Il s'était montré mécontent de ses faits et gestes dans la salle à manger, et successivement, il avait critiqué tous les plats, depuis le consommé de mouton jusqu'au fromage grillé. Les 2 journées suivantes s'écoulèrent comme de coutume. Le 3e jour, il arriva quelque chose. Au premier aspect, ce n'était rien de plus essentiel qu'un coup de sonnette parti du salon. On aurait dû y pressentir, en réalité, le signe précurseur de la catastrophe prochaine, le héros formidable du dénouement. C'était à Magdalène que s'adressait la sonnette. Arrivée à la porte du salon, elle frappa comme d'ordinaire. On ne répondit point. Frappant une fois encore sans recevoir de réponse, elle se permit d'entrer et reçut à l'instant même, en plein visage, un courant d'air glacé. La lourde porte à coulisses qui s'ouvrait sur le mur d'en face avait été complètement tirée, et l'atmosphère arctique de glace la moelle pénétrait sans obstacle dans le salon désert. Elle attendit auprès de la porte, ne sachant trop à quelle partie s'arrêter. C'était bien certainement la sonnette du salon, et nul autre qui s'était fait entendre. Elle attendit, regardant, par la porte béante en face d'elle, l'aspect désolé de cette grande galerie en délabre. Quelques instants de réflexion la convainquirent que le mieux était de redescendre et d'attendre en bas un second appel. En se détournant pour quitter le salon, il lui arriva par hasard de jeter encore un regard en arrière, et justement alors, elle vit s'ouvrir la porte située à l'autre extrémité de la Banqueting Hall, porte qui donnait, on s'en souvient peut-être, sur la première des chambres de l'aile orientale. Un homme de haute taille en sortit, enveloppé d'un surtout et le chapeau sur la tête, se dirigeant du côté du salon. Sa démarche le fit reconnaître avant qu'il fût assez près pour qu'on pût discerner son visage. Il n'avait pas encore traversé la moitié de la salle quand Magdalen vérifia que cet homme était bien l'amiral Bartram. Il parut non seulement irrité, mais de plus très surpris en trouvant sa parlour maid qui l'attendait dans le salon. Il lui demanda ce qu'elle venait y faire, avec une brusquerie où se trahissait une certaine méfiance. Magdalen répondit que la sonnette l'avait appelée. La physionomie de l'amiral s'éclaircit un peu lorsqu'il eut reçu cette explication. C'est vrai, j'ai sonné, puis j'en ai perdu mémoire. » Là-dessus, il remit en place la porte à coulisses. « Du charbon, » reprit-il avec impatience, montrant un seau vide. « J'ai sonné pour avoir du charbon. » Magdalen retourna dans les régions inférieures, transmit l'ordre de l'amiral à la domestique spécialement chargée des feux, et rentrait ensuite à l'office, dont elle ferma doucement la porte, s'assit pour réfléchir tout à son aise dans une solitude complète. Sa première impression dans le salon, et cette impression durait encore, c'était qu'elle avait accidentellement surpris l'amiral Bartram au retour d'une visite qu'il avait faite dans les chambres de l'Est. Visite que, pour quelques raisons essentielles, il avait à cœur de tenir secrète. Hanté jour et nuit par l'idée unique qui l'absorbait tout entière, elle franchit d'un seul bond tous les obstacles que la logique lui opposait et associa immédiatement les soupçons que lui inspirait cette démarche secrète de l'amiral aux soupçons du même ordre qui le lui désignait comme dépositaire de la contre-lettre. Jusqu'alors, elle avait regardé comme à peu près certain qu'il conservait tous ses papiers de quelque importance dans l'une ou l'autre des chambres de l'appartement où il était provisoirement installé. Pourquoi, se demandait-elle, pareille conclusion ne lui paraissant plus aussi certaine, pourquoi ne se pourrait-il pas qu'il les tînt enfermés tout aussi bien dans les pièces de l'aile orientale? Le souvenir des clés encore cachées dans la chambre de Magdalen lui faisait paraître encore plus probable cette nouvelle manière d'envisager les choses. À une exception près, et de peu d'importance, ces clés ne lui avaient servi de rien, essayées dans l'appartement du Nord. Échouerait-elle de même contre les cabinets et les armoires de l'Est, qu'elle n'avait pas même songé à pratiquer encore? S'il existait une chance, quelque mince qu'elle fût, d'en tirer meilleur parti qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors, cette chance devait être tentée. S'il était possible, à un degré quelconque, d'admettre que la contre-lettre pouvait être sous clé dans quelqu'un des réceptacles de l'aile orientale, cette possibilité devait être mise à l'épreuve. Et quand? L'expérience même qu'elle avait faite répondait à cette question. C'était à l'heure où les yeux de l'espionnage étaient fermés, où nul accident n'était à craindre, à l'heure où le château dormait, en un mot, au milieu de la nuit. Magdalen avait assez conscience des changements survenus en elle pour redouter l'influence énervante de tout retard. Elle résolut d'aborder ce nouveau risque, tête baissée, dès la nuit suivante. Plus que jamais, elle commit maintes et maintes erreurs. L'heure du dîner venue. Plus que jamais aussi, l'amiral cribla de vives critiques sa manière de servir à table. Mais il ne parvint pas à la blesser une seule fois. C'est à peine si elle l'écoutait. Son intelligence n'était plus accessible qu'à une seule préoccupation, celle de la prochaine épreuve. La soirée qui lui avait paru si lente lors de sa première tentative s'écoula cette fois avec une rapidité surprenante. L'heure du coucher la prit, pour ainsi dire, à l'improviste. Elle attendit, cette fois, plus tard qu'elle ne l'avait fait dans l'autre circonstance. L'amiral était au logis. Un caprice pouvait le ramener en bas, après qu'il serait rentré dans sa chambre. Il se pourrait faire qu'il eût oublié quelque chose dans la bibliothèque et qu'il y retournât pour l'aller prendre. Minuit avait sonné à l'horloge de la salle où les domestiques se tenaient. Lorsque Magdalène se risqua hors de sa chambre, les clés toujours dans sa poche, le flambeau toujours à la main. Au moment où, pour descendre, elle posait le pied sur le premier degré, une invincible hésitation, une inexplicable terreur de quelque péril inconnu, s'emparèrent d'elle tout à coup. Elle suspendit sa marche pour délibérer avec elle-même. Aucun sacrifice ne l'avait fait reculer, aucune crainte ne l'avait arrêtée dans l'exécution du stratagème qu'il avait fait admettre à Sainte-Croix. Et maintenant que la longue série d'obstacles entrevus dès l'origine avait été patiemment surmontée, maintenant qu'à force de résolution un bon point de départ avait été conquis, elle hésitait à marcher en avant. « Pour me trouver ici, se disait-elle, rien ne m'a coûté. Quelle inconséquente folie m'arrête donc maintenant ?» La honte la ranima. Ses nerfs se tendirent. Dans toutes ses veines, le sang circula plus vite. Elle franchit les escaliers du troisième étage au second, du second au premier, sans oser faire une halte nouvelle tant qu'elle se sentirait à portée de sa chambre. La minute d'après, elle avait gagné l'extrémité du corridor, traversait le vestibule et pénétrait dans le salon. Ce fut seulement lorsqu'elle eut la main sur la massive poignée de bronze servant à manœuvrer la porte à coulisses, ce fut seulement avant de faire glisser cette porte dans ses rainures qu'elle s'arrêta pour reprendre haleine. La salle des banquets était derrière cette cloison de bois contre laquelle Magdalène s'appuyait maintenant, et son imagination surexcitée au plus haut point lui faisait déjà sentir le souffle sépulcral qui allait bientôt passer sur elle. La porte à coulisses, tirée par elle, s'écarta de quelques pouces, mais alors Magdalène s'arrêta tout effrayée. Lorsque l'amiral l'avait fermée devant elle ce jour-là même, la porte n'avait fait aucun bruit. Lorsque le vieux Maisel l'avait ouverte pour lui montrer l'appartement de l'aile orientale, la porte n'avait fait aucun bruit. Maintenant, au milieu du silence nocturne, elle remarquait pour la première fois que les panneaux rendaient en glissant un son lugubre assez semblable au sourd gémissement du vent qui s'engouffre dans quelque étroit tissu. Elle reprit courage et continua de pousser la porte, qu'elle fit disparaître à moitié dans l'épaisseur du mur creusé pour la recevoir. Puis, elle avança hardiment par l'issue qu'elle venait de se ménager et se trouva face à face avec la salle des banquets dans toute son horreur nocturne. La lune tournait en ce moment le côté méridional du château. Ses pâles rayons, traversant les croisées les plus proches, s'étalaient obliquement sur les dalles de marbre en longues bandes lumineuses. L'ombre noire des parois qui séparaient les croisées l'une de l'autre, alternant avec ses raies de lumière, doublait le pâle éclat dont la lune inondait ce pavé de marbre. À son extrémité inférieure, la grande salle, encore ténébreuse, semblait se fondre dans une vague et mystérieuse obscurité. Le plafond disparaissait, la cheminée béante et le manteau qui la surplombait, et la longue rangée des tableaux de bataille, tout cela se perdait dans la nuit. Un seul objet se voyait encore par-delà les croisées ruisselantes de lumière et les dalles que zébrait la lune, espèce de monstre qui se dressait parmi les derniers reflets de lumière et dont la tête se noyait, invisible, dans l'ombre planant à une certaine hauteur sur toute la galerie. Proche ou lointain, tout bruit semblait mort au sein de cette atmosphère froide et stagnante. Le silence de la nuit, si doyeur et si pénétrant, avait ici quelque chose d'auguste. Dans les profonds abîmes de l'obscurité se cachaient des abîmes de silence plus insondables encore. Magdalène était immobile sur le seuil, les yeux tendus, les oreilles tendues. Elle épiait quelque objet qui vint à se mouvoir, elle écoutait quelque bruit qui vint à se produire. Mais elle épiait, elle écoutait vainement. Un frémissement rapide la parcourait sans cesse de la tête aux pieds. Était-ce le frisson de la peur ou celui du froid ? Ce simple doute ranima sa volonté hardie. maintenant ou jamais, pensait-elle, avançant d'un pas au-delà de la porte. Je vais compter 3 fois ces bandes que fait le clair de lune, et ensuite je traverserai la salle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au moment où pour la 3e fois le chiffre final franchit ses lèvres, elle traversa la salle comme elle se l'était promis, ne regardant à rien, n'écoutant rien, d'une main tenant son flambeau tandis que de l'autre elle relevait machinalement les plis de sa robe, elle franchit, comme un spectre, toute la longueur de cette spectrale galerie. Elle atteignit la porte de la première des chambres de l'Est, l'ouvrit et s'y précipita. Le brusque soulagement qu'elle éprouva, une fois parvenue dans ce refuge, la brusque transition d'une atmosphère à l'autre, se trouvèrent pour le moment au-dessus de ses forces. Elle n'eut que le temps de poser son flambeau sur une table avant de se laisser tomber elle-même, étourdie et hors d'haleine, dans le fauteuil le plus proche. Elle sentit peu à peu que le repos la calmait. Elle eut, au bout de quelques minutes, le sentiment de la victoire qu'il lui avait fallu remporter pour se frayer un chemin jusqu'à ses chambres de l'Est. Quelques minutes de plus lui rendirent assez de force pour qu'elle pût quitter son siège, retirer les clés de sa poche et regarder autour d'elle. Les premiers meubles qui, dans cette pièce, attirèrent son attention furent un vieux bureau sculpté, en chêne, et une lourde table de bulle à laquelle un cabinet était fixé. Elle s'attaqua d'abord au bureau, celui des 2 meubles qui semblait le mieux fait pour enfermer des papiers. Des clés qu'elle avait, il s'en trouva 3 qui entraient dans la serrure, mais aucune n'y pouvait jouer. Le bureau était donc inaccessible. Elle l'abandonna, et avant d'entreprendre le cabinet de bulle, elle suspendit un moment sa besogne pour remettre en état la mèche de la bougie qui charbonnait. Au moment où elle y portait la main, elle entendit, dans la silencieuse immobilité de la salle des banquets, se produire un son qui l'effraya, son vague et passager comme la plainte lointaine du vent. La porte à coulisses du salon aurait-elle bougé par hasard? Et comment avait-elle bougé? Quelque main inconnue l'avait-elle poussée dans la muraille plus avant qu'elle-même ne l'avait fait? Ou bien venait-elle d'être tirée et refermée? La crainte de se trouver isolée toute la nuit par quelque mystérieuse intervention de tout ce qui vivait dans le château fut plus forte en elle que la crainte de regarder à travers la salle des banquets. Elle courut aveuglément à la porte de la chambre. Cette porte, à son entrée, était silencieusement retombée derrière Magdalène, mais sans se refermer tout à fait. Elle n'eut donc qu'à la pousser et regarda. Ce qu'elle vit la cloua au parquet, frappée d'une terreur panique. Auprès de la première des croisées à partir du salon, et au sein des clartés que cette croisée projetait, Magdalène vit une forme vivante, immobile, se dresser sur le plus lointain de ces espaces lumineux que les rayons de la lune inscrivaient sur la dalle. À peine l'avait-elle aperçue, cette apparition s'évanouit. Un instant après, la même forme se montra devant la seconde croisée, et sur l'avant-dernière bande lumineuse, s'effaça de réchef, émergea sur la 3e, s'éclipsa comme auparavant, et sur la 4e à partir de la porte du salon, la seconde à compter du point où se trouvait Magdalène, réapparut plus distincte. Elle avança ainsi, tantôt mystérieusement perdue dans l'ombre, tantôt soudainement exposée à la lumière, jusqu'à ce qu'elle fût parvenue à la 5e bande, à savoir la plus rapprochée de Magdalène. Là, elle fit halte, et obliquant avec lenteur, se dirigea vers le centre de la salle. L'apparition s'arrêta devant le trépied et y demeura, frissonnant de manière à troubler le silence profond de ces lieux perdus, les mains étendues sur les froides cendres, dans l'attitude de quelqu'un qui eût voulu rallumer l'antique brasero. Puis elle se détourna, suivant le chemin lumineux qui la conduisait vers la 5e fenêtre, fit halte encore une fois se détourna et vint à pas muets dans les ténèbres, droit à la porte sur le seuil de laquelle Magdalène était debout. Celle-ci n'avait plus de voix. Sa volonté semblait l'avoir abandonnée. Tous ses sens, hormis celui de la vue, étaient paralysés. La vue elle-même, enchaînée par la terreur, n'avait plus qu'une action invariable, restée la même depuis le premier regard jeté en avant. Magdalène était là, sur le seuil de la porte, barrant le passage à cette forme humaine qui, à travers l'ombre, avançait sur elle pas à pas, se rapprochant toujours. Leur voisinage devint bientôt immédiat. L'horreur qui l'étreignait se brisa comme un lien fragile. Lorsqu'entre elle et la figure inconnue, il ne resta plus qu'un espace long comme le bras. Magdalène recula soudain. La clarté du flambeau placé sur la table arrivait en plein sur le visage de l'apparition et lui montra l'amiral Bartram. Une longue robe de chambre grise enveloppait sa haute taille. Il n'avait rien sur la tête. Ses pieds étaient nus. Il portait dans la main gauche son petit paquet de clés. Devant Magdalène, il passa lentement, remuant les lèvres sans le moindre répit, et ses yeux grands ouverts regardant devant lui avec cet effarement vitreux que l'on voit parfois à ceux d'un mort. Ce furent ses yeux qui révélèrent à Magdalène l'effrayante vérité. Il marchait, il parlait, tout endormi. La crainte qu'elle ressentit en le voyant ainsi ne ressemblait en rien à celle que son aspect lui avait fait éprouver lorsqu'il lui était apparu d'abord au clair de lune, véritable fantôme dans cette galerie fantastique. Elle put, cette fois, résister au choc, elle put mesurer son effroi. Il passa devant elle et s'arrêta au milieu de la chambre. Magdalène se rapprocha de lui, assez pour que sa voix murmurante arrivât jusqu'à elle. Se hasardant plus près encore, elle entendit le nom de son défunt mari tomber très distinctement des lèvres du somnambule. « Noël, » disait-il avec ses accents sourds et monotones de l'homme qui parle en rêvant. « Noël, mon bon camarade, reprenez-la. C'est pour moi un tourment de chaque jour et de chaque nuit. Je ne sais comment la préserver. Je ne sais où lui trouver une cachette sûre. Reprenez-la, Noël. Au nom de Dieu, reprenez-la. » Tandis que ces paroles lui échappaient, l'amiral se dirigeait vers le cabinet de Bulle. Il s'assit dans le fauteuil placé devant ce meuble et fouilla parmi les clés que renfermait sa corbeille. Magdalène l'avait suivi sans bruit et se tenait au guet derrière son siège, le flambeau en main. Il finit par trouver la clé. Puis, le cabinet ouvert, sans un instant d'hésitation, il ramena un tiroir, le second d'une rangée. Ce tiroir ne renfermait qu'une lettre pliée. Il s'en saisit et la posant devant lui sur la table. « Reprenez-la, Noël, » répétait-il machinalement. « Reprenez-la. » Magdalène regarda par-dessus l'épaule de l'amiral et lut ces lignes tracées de la main de son mari en tête de l'enveloppe. « À garder en votre possession et à ouvrir en personne seulement le jour de mon décès. » Noël Vanstone. Elle vit clairement ces mots qui précédaient le nom et l'adresse de l'amiral. Ainsi donc, la contre-lettre était à portée de sa main. La contre-lettre, si bien cachée, était enfin découverte. Elle fit un pas en avant pour tourner autour du fauteuil et enlever lestement la lettre posée sur la table. Mais au moment même où elle changeait de place, l'amiral prit lui-même cette lettre, ferma le cabinet et, se levant pour s'en aller, se trouva face à face avec Magdalène. Sous l'impulsion du moment, elle étendit la main vers celle qui tenait la lettre. Les jaunes clartés du flambeau tombaient en plein sur le vieillard. Ce visage majestueux, où la mort semblait se marier à la vie, le mystère de ce corps endormi qui obéissait, sans en avoir conscience, aux inspirations d'une intelligence obsédée par de vains rêves, domptèrent l'intrépide Magdalène. Sa main tremblante retomba le long de son corps. L'amiral jeta dans la corbeille la clé du cabinet et, traversant la chambre, marcha vers le bureau, sa corbeille dans une main et la lettre dans l'autre. Magdalène replaça le flambeau sur la table et de plus belle observa ce qu'allait faire l'amiral. De même qu'il avait ouvert le cabinet, de même il ouvrit le bureau. Encore une fois, Magdalène étendit la main. Une fois encore, elle recula, cédant à la terreur que lui inspirait ce mystérieux sommeil. L'amiral déposa la lettre dans un tiroir, tout au fond du bureau, et referma le pesant tablier de chêne. « Oui, disait-il, vous avez raison, Noël. C'est plus sûr, beaucoup plus sûr. » Ainsi parlait-il, ainsi de temps en temps, les paroles révélatrices qu'il laissait échapper indiquaient nettement l'évocation du mort que le rêve ressuscitait et faisait parler. Le bureau était-il bien fermé? Magdalène n'avait pas entendu jouer le verrou. Tandis que l'amiral s'écartait pour retourner encore une fois au centre de la chambre, elle porta la main au tablier et s'assura que le bureau était clos. Cette découverte faite, elle regarda du côté de l'amiral pour voir ce qu'il devenait. Il sortait de la chambre, en ce moment, ayant à la main son panier de clés. Lorsque l'œil de Magdalène tomba sur lui, le vieillard franchissait le seuil de la porte. Quelque insondable fascination s'était emparée d'elle. Quelque attraction mystérieuse l'entraînait sur ses pas en dépit d'elle-même. Armée de son flambeau, elle suivit machinalement l'amiral comme si elle eût été somnambule, elle aussi. Ces deux personnages, l'un derrière l'autre, longèrent lentement et sans bruit la salle des banquets. L'un derrière l'autre, ils traversèrent le salon, suivirent le corridor et remontèrent l'escalier. Magdalène accompagna l'amiral jusqu'à sa porte, qu'il referma derrière lui très doucement après être entré. Elle avait fait halte et portait ses regards vers le lit volant. Il était du côté des pieds, quelque peu écarté de la porte, donc en général, il barrait. Par qui avait-il ainsi été repoussé? Prise d'une curiosité soudaine et d'un soupçon soudain, Magdalène rapprocha le flambeau et regarda l'oreiller. Le lit était vide. Cette découverte l'étonna un moment, mais pas davantage. Si simples que fussent les conclusions à tirer d'un pareil fait, elle n'était pas en état d'y songer. Son intelligence, qui peu à peu rentrait dans l'exercice de ses facultés, se trouvait encore sous l'influence d'impressions antérieures et plus profondes. Son intelligence suivait l'amiral dans la chambre où il venait d'entrer, de même que son corps l'avait suivi à travers la salle des banquets. S'était-il remis au lit? Dormait-il encore? Elle écoutait, l'oreille collée contre la serrure. Pas le moindre bruit dans cette chambre. Elle appuya sur la porte, et ne trouvant pas de résistance intérieure, l'entrouvrit de quelques pouces afin d'écouter encore. À l'instant même, l'alternative régulière d'une respiration égale et calme parvint distinctement jusqu'à son oreille. L'amiral était encore endormi. Elle pénétra dans la chambre et, masquant le flambeau de sa main, s'approcha du lit pour regarder le dormeur. Le rêve avait pris fin. Le sommeil du vieillard était profond et paisible. Ses lèvres se taisaient. Sa main reposait sur le couvre-pied, dans une immobilité absolue. Son visage était tourné vers la droite du lit. Il y avait là une petite table à portée de sa main. Quatre différents objets y étaient disposés. Son flambeau, sa boîte d'allumettes, un verre de limonade qu'on y plaçait tous les soirs, et enfin son paquet de clés. L'idée de s'emparer de ces clés cette nuit-là même, si une occasion venait à s'offrir où la corbeille ne se trouva plus dans la main de l'amiral, avait traversé l'esprit de Magdalène au moment où elle l'avait vu rentrer dans sa chambre. La surprise qu'elle avait éprouvée en s'apercevant que la couchette n'était pas occupée lui avait fait perdre de vue cette détermination, mais elle la retrouva dès que la table dont nous venons de parler eut attiré son regard. Il était parfaitement inutile de perdre son temps à séparer du reste des clés celles-là dont elle avait besoin et qui ne lui étaient pas assez connues pour qu'elle pût se flatter de la distinguer aisément. Elle prit donc sur la table toutes les clés, avec le panier même qui les contenait, et quittant la chambre, referma la porte derrière elle, en prenant soin de faire le moins de bruit possible. Le lit à roulettes, devant lequel il lui fallut passer, s'imposa de nouveau à son attention et à ses calculs. Après y avoir réfléchi un moment, elle poussa le pied de ce lit, de manière à le replacer dans la position qu'il occupait d'ordinaire en travers de la porte. Qu'il fût ou non dans le château, le vieux matelot pouvait d'un moment à l'autre revenir au poste qu'il avait déserté. S'il trouvait le lit écarté de sa place habituelle, il soupçonnerait aisément quelque méfait, éveillerait son maître et ferait ainsi découvrir l'absence des clés. En descendant l'escalier, la crainte de rencontrer tout à coup le vieux Maizet se présentait à elle sous de si vives couleurs qu'elle portait le petit panier collé contre elle, le dérobant à demi sous les plis de sa robe. Nul incident sur l'escalier, nul incident le long du corridor. Le château était aussi désert, aussi muet que jamais. Elle traversa cette fois la salle des banquets sans la moindre hésitation, les événements de la nuit ayant cuirassé son âme contre toute terreur chimérique. « Je la tiens, à présent, » murmurait-elle, avec un irrésistible élan d'exaltation au moment où, revenue dans la première des chambres orientales, elle posait sa bougie sur la planche supérieure de l'antique bureau. Même alors, une épreuve restait encore à sa patience. Quelques minutes s'écoulèrent, et les minutes lui semblaient des heures, avant qu'elle eût trouvé la clé qu'il fallait et levé le tablier du bureau. Enfin, elle plongea la main dans le tiroir intérieur. Enfin, cette main saisit la lettre si longtemps poursuivie. Elle avait été cachetée, mais le sceau était rompu. Magdalène l'ouvrit sur place pour bien s'assurer, avant de quitter la chambre, qu'elle s'était réellement emparée de la contre-lettre. Ce fut à la fin de ce document que ses regards se portèrent tout d'abord. Ils se terminèrent vers le haut de la troisième page et portaient la signature de Noël Vanstone. Au-dessous de ce nom venaient s'ajouter les lignes suivantes, tracées de la main de l'amiral. « J'ai reçu la lettre ci-contre en même temps que le testament de mon ami Noël Vanstone. Pour le cas où je viendrais à mourir sans laisser d'autres instructions y relatives, je supplie mon neveu ainsi que mes exécuteurs testamentaires de ne pas perdre de vue que je regarde comme absolument obligatoire pour moi les recommandations qui me sont faites dans ce document. Arthur Everard Bartram. » Magdalène ne prit pas le temps de lire ces lignes. Elle constata simplement qu'elles n'étaient pas de la main de Noël Vanstone, et les omettant aussitôt comme peu essentielles pour l'objet qu'elle avait en vue, elle rabattit le feuillet afin de porter toute son attention sur les phrases par lesquelles débutait la première page. Voici ce qu'elle lut. « Cher amiral Bartram, quand vous ouvrirez mon testament, où vous êtes désigné comme l'unique exécuteur de mes volontés dernières, vous verrez que, sauf un legs de 5 000 livres, je vous ai laissé la totalité de mes biens meubles et immeubles. La présente lettre a pour but de vous faire connaître l'objet de ces dispositions qui placent en vos mains toute ma fortune. Veuillez considérer cette libéralité comme devant être. » Magdalène était arrivée jusque-là, respirant à peine dans sa curiosité passionnée, quand son attention vint tout à coup à lui faire défaut. Quelque chose, elle était trop profondément absorbée pour savoir de quoi il s'agissait, quelque chose venait de se placer entre elle et la lettre. Était-ce encore un bruit parti de la salle des banquets? Elle regarda par-dessus son épaule, du côté de la porte ouverte derrière elle, et tout en regardant, elle prêtait l'oreille. Rien qu'on pût entendre, rien qu'on pût voir. Elle revint à la lettre. L'écriture était fine et tremblée. Dans son impatiente curiosité d'en lire davantage, elle ne put immédiatement retrouver l'endroit où elle en était restée. Ses yeux, attirés par une légère tache d'encre, tombèrent sur une phrase placée un peu plus bas que celle dont elle venait de lire le commencement. Les premiers 3 mots qu'elle vit fixèrent à l'instant même son attention. C'étaient les premiers qu'elle eut rencontrés dans cette lettre, ayant directement trait à George Bartram. La soudaine agitation que lui causa cette découverte lui fit parcourir avec avidité le reste de la phrase, avant de faire une seconde tentative pour retrouver l'endroit où elle en était restée précédemment. Si votre neveu manquait à ces conditions, c'est-à-dire si, étant encore garçon ou déjà veuf à l'époque de mon décès, il ne se mariait pas, à tous égards, ainsi que je viens de le lui prescrire ici, dans les 6 mois qui suivront, mon désir est qu'il soit privé. » Elle en était là, et venait de lire ce dernier mot, sans une syllabe de plus, quand une main, passant par-dessus son épaule et se plaçant entre ses yeux et la lettre, lui saisit le poignet par une brusque et vigoureuse étreinte. Elle se retourna et poussa un cri de terreur. En face d'elle se dressait le vieux Maizet. Les yeux du vieux matelot étaient injectés de sang. Sa main se mouvait avec lenteur, ses pantoufles de feutre étaient chaussées de travers, et sur ses jambes fort écartées, son corps se balançait avec un équilibre indécis. S'il eût ce soir-là soumis son état à l'infaillible critérium du petit navire sculpté, il aurait inévitablement porté contre lui-même cette sentence, par malheur habituel. « Encore ivre, Maizet, encore dans les vignes !»« Ah, jeune Jezabel !» disait le vieux matelot dont la physionomie souriait d'un côté, menaçant de l'autre. « La première fois que vous viendrez faire vos promenades nocturnes dans les environs de Glace-la-Moelle, commencez par mettre au guet ces yeux alertes que vous avez, et assurez-vous que personne d'autre ne se promène à la même heure dans le jardin. Lâchez cela, Jezabel, lâchez cela !» Serrant d'une main le bras de Magdalène, de l'autre il lui enlevait la lettre qu'il replaça dans le tiroir encore ouvert. Après quoi, il ferma le bureau. Elle n'essaya pas de se débattre, elle ne prononça pas une parole. Son énergie avait disparu. Toute faculté de résistance semblait éteinte en elle. Les frayeurs de cette nuit horrible, se succédant coup sur coup par chocs réitérés, l'avaient enfin complètement abattue. Elle cédait avec autant de soumission, elle tremblait avec autant de découragement que la plus faible femme en ce bas monde. Le vieux Maisie laissa retomber le bras de Magdalène et, avec cette solennité particulière aux ivrognes, lui désigna un fauteuil placé dans un coin de la chambre à l'opposé de la porte. Elle s'assit, toujours sans articuler une parole. Le vieux matelot, dont la respiration paraissait fort gênée, s'étaya des deux coudes à la cime inclinée du bureau et de ce poste dominant, apostropha Magdalène encore une fois. « Vous allez venir en prison ?» disait le vénérable Maizet, secouant la tête avec toute la sévérité d'un juge. « On ouvrira demain matin une cour d'enquête et je suis témoin, oui, pour mon malheur, je suis témoin. Jeune malfaitrice, vous êtes coupable d'un vol de nuit et avec effraction. Voilà ce dont vous êtes coupable. » Les clés de son honneur l'amiral ont été volées. Le bureau de son honneur l'amiral a été saccagé. Enfin, les lettres particulières de son honneur l'amiral ont été décachetées. Vol nocturne, effraction, venez au cachot. Là-dessus, il reprit lentement sa perpendiculaire avec le secours de ses mains, auquel venait en aide la solide résistance du bureau massif. Puis, ses interpellations menaçantes se transformèrent en un soliloque larmoyant. Qui l'eût pensé ? Disait le vieux Maizet, dont une émotion paternelle humectait les yeux. « Ne regardez que c'est dehors, elle est droite comme un peuplier. Voyez-le dedans, elle est tordue et crochue comme le péché lui-même. Et une si belle fille encore, quel dommage, quel dommage !»« Ne me faites pas de mal, » dit Magdalène, d'une voix faible, quand le vieux Maizet, trébuchant vers le fauteuil, vint encore lui saisir le poignet. « J'ai peur, monsieur Maizet. « J'ai horriblement peur. »« Vous faire mal ?» répéta le vétéran. « Je vous porte bien trop dans mon cœur. Et à mon âge, c'est une véritable honte pour vous faire le moindre mal. Si je vous lâche le bras, promettez-vous de marcher droit devant moi, sans chercher à vous dérober ? Serez-vous bonne fille et rentrerez-vous tout droit dans votre chambre ?» Magdalène prit l'engagement qu'on exigeait d'elle. Elle le prit avec un fervent désir de se retrouver seule, chez elle, en un refuge inviolable. Quittant son siège, elle allait prendre la bougie placée sur le bureau, mais la main du rusé matelot devança les siennes. « Laissez-la, ce flambeau !» dit le vétéran, qui, perdant de vue un moment sa grave responsabilité, lui décocha une œillade souriante. « Vous êtes, ma chère, un peu plus leste que moi, et vous pourriez fort bien me planter là, si je ne portais pas la lumière moi-même. » Ils revinrent dans la partie habitée du château. Trébuchant sur les pas de Magdalène, le panier de clés dans une main, le flambeau dans l'autre, son vieux guide, pendant tout le temps qu'ils mirent à traverser Glace-la-Moelle, persistait à comparer au peuplier sa taille droite et ses dispositions morales à la difformité du péché. Ceci dura jusqu'à la porte de Magdalène. Arrivé là, Maizet refusa péremptoirement de lui remettre le flambeau avant de l'avoir vu entrer dans la chambre, et quand cette condition fut remplie, tandis qu'il lui passait la bougie d'une main, de l'autre il retirait la clé placée à l'intérieur de la serrure et fermait la porte à l'instant même. Magdalène l'entendit au dehors, riant tout bas de sa propre dextérité, pendant qu'il avait la plus grande peine à replacer la clé dans la serrure. Enfin, avec un grognement de satisfaction, il parvint à pousser le bureau. « La voilà sous clé !» disait-il dans un monologue où le sentiment du triomphe était tempéré par des regrets sincères. Et dire que je n'ai jamais rencontré une plus belle fille. Quel dommage, mon Dieu, quel dommage !» Les derniers sons de sa voix se perdirent dans l'éloignement, et Magdalène, enfermée dans sa chambre, y demeura seule. S'accrochant du mieux qu'il pouvait à la rampe de l'escalier, le vieux Maizet descendit dans le corridor du second étage, où une veilleuse était toujours allumée. Il avança du côté de la couchette et, s'appuyant au mur d'en face, la contempla d'un œil attentif. Cette contemplation prolongée ne parut pas avoir pour lui un résultat très satisfaisant. Il secoua la tête d'un air préoccupé, puis, de la poche de son surtout tirant une paire de vieilles pantoufles toutes rapiécées, il se mit à les examiner avec les dehors d'une véritable inquiétude. « Je n'ai pas la tête à moi ce soir, » murmurait-il entre ses dents. « Du trouble d'esprit, voilà ce que c'est, du trouble d'esprit. » Les vieilles pantoufles rapetassées et les anxiétés actuelles de l'ex-matelot se trouvaient intimement associées de par les rapports qui existent entre la cause et l'effet. Ces pantoufles appartenaient à l'amiral, qui s'en était entiché capricieusement et persistait à en faire usage longtemps après les avoir mises hors de service. Le vieux Maizet, dans l'après-midi et d'assez bonne heure, les avait portées au cordonnier du village pour les lui faire raccommoder sur place et les avoir toutes prêtes quand l'amiral les lui demanderait le lendemain matin. Puis, honorant de sa surveillance spéciale ce travail essentiel, il était resté jusqu'au soir dans la boutique du cordonnier. Après quoi, cet artiste et lui n'avaient pas cru pouvoir se séparer sans vider quelques verres, à la santé l'un de l'autre, dans l'auberge du village. La cérémonie des adieux s'était prolongée fort avant dans la nuit, et les deux buveurs ne s'étaient quittés, cela va sans le dire, que dans un état d'ébriété aussi complet d'un côté que de l'autre. Si cette partie de boisson n'avait eu pour résultat que le vagabondage nocturne en vertu duquel le vieux Maizet, rôdant à l'entour de Sainte-Croix, avait aperçu la lumière brillant aux fenêtres de l'Est, sa mémoire complaisante la lui aurait présentée le lendemain matin comme un des plus louables exploits de toute sa vie. Mais une autre conséquence en avait jailli qu'entrevoyait maintenant le vieux loup de mer à travers les brumes bachiques dont sa cervelle était encore obscurcie. Il avait manqué à la discipline et violé sa consigne. Parlant plus net, il avait déserté son poste. L'unique précaution que l'amiral Bartram eût autorisée contre les dispositions qu'il se savait au somnambulisme était cette garde montée à sa porte par un vieux serviteur dévoué. Aucune prière ne l'avait pu décider à permettre qu'on prît des mesures plus strictes et plus certaines. Il ne voulait pas qu'on l'enfermât dans sa chambre, n'admettant même pas qu'il fût sujet, sous l'empire d'un rêve, à parcourir ainsi le château tout endormi. Maintes fois le vieux Maizet avait été réveillé par les efforts que faisait son maître, toujours sommeillant, soit pour passer à côté de la couchette, soit pour la franchir. Et maintes fois au matin, lorsqu'il rendait compte de quelque accident pareil, l'amiral avait refusé de le croire. Le vieux matelot, debout à présent et les yeux fixés sur la porte de son maître, repassait dans sa tête assez confusément ses souvenirs du passé, lesquels lui posaient une question assez grave, celle de savoir si l'amiral, dans le cours des heures déjà écoulées, avait oui ou non quitté sa chambre. En supposant que la mauvaise chance l'eût ainsi voulu, et qu'un accès de somnambulisme se fût emparé de lui, les pantoufles que tenait le vieux Maizet l'amenaient irrésistiblement à conclure que son maître avait dû parcourir pieds nus, pendant cette nuit glaciale, les escaliers de pierre et les longs couloirs dallés de Sainte-Croix. Plaise au Seigneur qu'il se soit tenu tranquille, marmottait le vieux Maizet, que cette simple perspective intimidait, si intrépide et si parfaitement gris qu'il peut être d'ailleurs. Espérons que son honneur n'ait pas sorti cette nuit. Il serait capable d'en mourir. Là-dessus, il fit momentanément un grand effort et parvint à dissiper la stupeur où la boisson l'avait plongé, sa fidélité canine envers l'amiral suppléant à toutes les forces qui lui manquaient. D'un regard plus ferme et avec des réflexions plus sûres d'elle-même, il examina soigneusement sa couchette. La précaution que Magdalène avait prise de la remettre en place lui donnait l'aspect d'un lit que personne n'a dérangé. Maizet ensuite étudia la courte pointe. On n'y voyait pas le plus faible vestige de l'empreinte qu'aurait dû nécessairement y laisser les pieds d'une personne essayant de le franchir. Maizet avait donc devant lui la preuve bien claire au moins pour ses yeux légèrement éblouis, que l'amiral n'avait pas bougé de sa chambre. « Je m'enrôle demain parmi les buveurs d'eau, » murmurait-il dans un élan de reconnaissant bien-être. Mais le moment d'après, les fumées de l'alcool avaient repris sur sa cervelle leur ascendant perfide, et le vétéran, fidèle à son remède habituel, arpentait en zigzag le corridor, faisant son quart sur le pont d'un chimérique navire. Peu après le lever du soleil, Magdalène entendit tout à coup le grincement d'une clé qu'on introduisait dans sa serrure. La porte s'ouvrit, et le vieux Maizet reparut sur le seuil. La première fièvre de son ivresse était graduellement tombée et n'existait plus qu'à l'état de douce chaleur, tempéré par un secret remords. Il respirait plus péniblement que jamais et secouait sans relâche sa tête vénérable, se reprochant ses propres délits. « Comment allez-vous maintenant, jeune requin en jupon ?» demanda l'ex-matelot. « Votre conscience était-elle assez tranquille pour que vous ayez pu fermer l'œil ?»« Je n'ai pas dormi, » dit Magdalène, qui s'écarta de lui, ne sachant ce qu'il venait de faire. « Je n'ai aucun souvenir de ce qui est arrivé une fois que vous eûtes refermé la porte. Je me suis probablement trouvé mal. Ne me faites plus peur, monsieur Maizet. Je me sens plus faible et plus souffrante que je ne saurais dire. Quel destin vous amène ?»« J'ai quelque chose de sérieux à vous communiquer, » répondit le vieux Maizet avec une impénétrable solennité. « Voici déjà une heure, peut-être plus, que j'ai envie de venir vous trouver pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Notez bien ceci, jeune femme, je vais me déshonorer. » Magdalène s'écartait de plus en plus et le regardait avec une frayeur croissante. « Je connais mes devoirs envers son honneur, l'amiral, » continua le vieux loup de mer avec un geste mélancolique dirigé vers la porte de son maître. « Mais j'ai beau me raisonner, je ne puis trouver en moi, petit monstre, la force de témoigner contre vous. Vous m'avez toujours semblé fait autour, la taille surtout, dès votre entrée au château, et je ne puis m'empêcher de vous estimer tel encore, bien que vous ayez commis un vol, et que vous soyez crochu, tordu comme le péché. J'ai eu toute ma vie une grande indulgence pour les jeunes filles bienvenues, et il est maintenant trop tard pour me montrer sévère envers elles. J'ai 77 ou 78 ans, l'un ou l'autre, sans savoir au juste ce qu'il en est. Je suis un vieux ponton dématé, ouvert à toutes les coutures, les pompes engorgées, et les eaux de la mort montent dans ma cale aussi vite qu'elles peuvent. Vous ne trouveriez pas facilement, en ces parages, un plus misérable pêcheur que moi, excepté seulement Thomas Nagel, le savetier. Et je dis qu'il est pire que moi, parce qu'étant le plus jeune des deux, il devrait en savoir plus long. Mais ce que je veux dire, c'est que je descendrai dans la tombe, indulgent malgré moi pour toute fillette bienvenue. Et j'en suis honteux, jeune Jézabel, j'en suis honteux. » Les yeux rebelles de l'ancien matelot recommencèrent à sourire malgré lui, pendant cette éloquente péroraison, tout ce qui restait d'austérité à sa physionomie se retranchant du mieux qu'il pouvait au coin de sa bouche. Magdalène se rapprocha de lui et voulut parler. Par un autre geste de sa main, non moins mélancolique que le premier et beaucoup plus solennel encore, il lui fit signe de rester à l'écart. « Pas de convoitise !» s'écria le vieux Maizet. « Je suis déjà bien assez coupable, sans y ajouter ceci. Mon devoir est de faire un rapport à son honneur l'amiral, et je le ferai très certainement. Mais si vous voulez vous esquiver avant que le vol soit dénoncé, avant que l'enquête commence, je me déshonorerai en vous laissant partir. C'est aujourd'hui que se tient le marché d'Ossory, et d'ici un quart d'heure, Dawkes va y conduire le chariot. Dawkes vous prendra si je le lui demande. Je connais bien mon devoir. Mon devoir est de vous garder sous clé. Mon devoir est d'envoyer Dawkes à tous les diables plutôt que d'en faire l'instrument de votre fuite. Mais je ne puis trouver en moi de quoi m'endurcir contre une belle fille comme vous. J'ai cette faiblesse-là, dans les eaux, cimentée à chaud et à sable. J'en suis honteux. Encore une fois, j'en suis bien honteux. » Cette proposition, si étrange et si soudaine, prit Magdalène tout à fait au dépourvu. Elle avait été trop profondément ébranlée par les événements de la nuit précédente pour pouvoir prendre à première vue une décision quelconque. « Vous me témoignez beaucoup de bonté, monsieur Maizet, » dit-elle aussitôt. « Ne pourrais-je avoir une minute pour réfléchir par moi sur ce que je dois faire ?»« À votre aise, » répondit le vétéran, qui tourna sur ses talons immédiatement et quitta la chambre. « Elles se ressemblent toutes, » continua-t-il, la tête encore préoccupée du beau sexe. « Telle offre que vous leur fassiez, il leur faut encore autre chose. Grandes ou petites, d'ici ou d'ailleurs, femmes ou maîtresses, elles se ressemblent toutes. » Restée seule, Magdalène se décida beaucoup plus facilement qu'elle ne s'y était attendue. Si elle restait au château, il lui fallait adopter ou l'une ou l'autre de ces deux marches, accuser le vieux Maizet de parler sous l'influence de quelque illusion d'ivrogne, ou bien céder aux circonstances et plier la tête. Bien qu'elle fût redevable à l'ex-matelot de cet échec qui était venu l'atteindre en pleine victoire, la bienveillance qui lui témoignait en ce moment lui ôtait toute idée de se défendre à ses dépens, en supposant même, ce qui était hautement improbable, qu'une telle défense dût rencontrer le moindre accueil. Dans la seconde des deux hypothèses, c'est-à-dire si elle cédait aux circonstances, un seul résultat devait se produire, son renvoi immédiat et en même temps peut-être la découverte de son identité. Maintenant, que gagnerait-elle à braver une telle honte, à quitter le château publiquement déshonoré aux yeux des domestiques pour lesquels, dès le principe, elle avait été un objet d'aversion et de méfiance? L'accident qui lui avait arraché la contre-lettre à l'instant même où elle venait de s'en emparer, cet accident n'avait pas de remède possible. La seule compensation à ce désastre, en d'autres termes, la découverte que la contre-lettre existait bien réellement et que le mariage de George Bartram, dans un temps donné, figurait au nombre des clauses de cet acte important, était une compensation dont la véritable valeur ne pouvait être appréciée qu'en la soumettant aux lumières de Mr. Loscombe. Magdalen ne trouvait donc en elle que des motifs de quitter le château pendant qu'il lui était encore loisible d'agir ainsi. Elle jeta les yeux dans le corridor et rappela le vieux Maizet avec aussi peu de bruit que possible. « J'accepte votre offre et vous en suis reconnaissante, Monsieur Maizet, » lui dit-elle. « Vous ne savez pas combien vous m'avez porté préjudice en retirant cette lettre de mes mains. Mais vous ne faisiez après tout que votre devoir. Et si inflexible que vous ayez été pour moi la nuit dernière, je ne puis que vous être reconnaissante des ménagements que vous gardez ce matin. Je ne suis pas, il s'en faut de beaucoup, aussi coupable que vous le croyez. » Le vieux Maizet, par un nouveau geste tout aussi mélancolique que les premiers, témoigna qu'il ne voulait pas aborder ce sujet. « N'en parlons plus, » disait le vieux matelot, « n'en parlons plus. Cela n'importe guère, mon enfant, pour un vieux misérable comme moi. Fussiez-vous 50 fois pire que vous n'êtes, je ne vous en laisserai pas moins prendre la clé des champs. Votre chapeau, votre châle, et suivez-moi. Je suis un déshonneur pour moi-même et un avertissement pour les autres. Voilà ce que je suis. Pas de bagages, prenez-y bien garde. Laissez derrière vous tous vos bibelots qui doivent rester, le cas échéant, à la discrétion de son honneur l'amiral. Si je ne sais pas m'endurcir contre vous, jeune Jézabel, vous me trouverez impitoyable à l'endroit de vos mâles. » Ce disant, le vieux Maizet sortit le premier de la chambre. « Moins je la verrai, mieux cela vaudra, et surtout à cause de sa taille, » se disait-il, tandis qu'il descendait l'escalier, étayant de la rampe sa marche inégale. Le chariot était encore dans l'arrière-cour lorsqu'ils arrivèrent en bas, et Dawkes, en d'autres termes, le domestique du préposé aux fermes, serrait la dernière boucle des harnais de l'attelage. La gelée du matin blanchissait encore à l'ombre et parsemait de points brillants l'épaisse fourrure de Brutus et de Cassius, tandis qu'ils parcouraient nonchalamment la cour, attendant, la gueule fumante, la queue lentement agitée, que l'équipage léger se mit en route. Le vieux Maizet sortit seul et entama la négociation avec Dawkes, qui finit, manifestant un étonnement stupide, par placer sur la banquette unique du chariot un coussin de cuir destiné à sa compagne de voyage. Frissonnant sous l'air vif du matin, Magdalen attendait que ses préparatifs de départ fussent achevés, et cela sans avoir conscience de rien, sauf d'une sorte d'étourdissement dans la pensée et d'une irrémédiable défaillance qui semblait émousser en elle toute sensation. Les incidents de la nuit se mariaient dans un pêle-mêle effrayant aux trivialités qui se passaient en ce moment sous ses yeux. Elle tressaillit avec un brusque retour de ses terreurs nocturnes quand le vieux Maizet reparut pour l'avertir qu'il était temps de monter dans le chariot. Elle trembla. Par un retour de la confusion qu'elle avait éprouvée quelques heures auparavant, lorsque le vétéran jeta sur elle, pour la dernière fois, un regard d'indulgence et déposa sur sa joue un baiser d'adieu. Aussitôt après, elle comprit qu'il l'aidait à monter dans le chariot, posant sur son épaule une main caressante. Elle l'entendit ensuite lui dire à l'oreille, sur un ton confidentiel, que, assise ou debout, elle était toujours droite comme un peuplier. Puis il y eut une pause que n'interrompit aucune parole, aucun mouvement, après quoi le cocher prit les rênes dans sa main et monta sur son siège. Au moment du départ, elle se trouva un peu ranimée et regarda derrière elle. Ce dernier regard jeté sur Sainte-Croix lui montra le vieux Maizet qui secoua la tête dans la cour et auquel les deux chiens, coutumiers des mêmes fredaines, semblaient donner la réplique avec leur queue. Les dernières paroles qui arrivèrent jusqu'à elle furent un dernier tribut payé à ses charmes par l'incorrigible vétéran. « Voleuse ou non, » disait le vieux Maizet, « Je la déclare une fille bien tournée. Si jamais on en vit une. Quel dommage, mon Dieu, quel dommage !